avait pour principale décoration une médaille en or, son prix de doctorat, insérée dans un cadre d'ébène contre la glace. Une bibliothèque d'acajou enfermée sous vitres sans volume, à peu près. Le bureau, couvert de basane, tenait le milieu de l'appartement. Quatre vieux fauteuils de velours vert en occupaient les coins, et des copeaux flambaient dans la cheminée où il y avait toujours un fagot prêt à allumer au coup de sonnette. C'était l'heure de ses consultations. L'avocat portait une cravate blanche. L'annonce des 15 000 francs, il n'y comptait plus sans doute, lui causa un ricanement de plaisir. « C'est bien, mon brave, c'est bien, c'est très bien. » Il jeta du bois dans le feu, se rassit, et parla immédiatement du journal. La première chose à faire était de se débarrasser du sonnet. « Ce crétin-là me fatigue. Quant à desservir une opinion, le plus équitable selon moi et le plus fort, c'est d'en avoir aucune. » Frédéric parut étonné. « Mais sans doute, il serait temps de traiter la politique scientifiquement. Les vieux du XVIIIe siècle commençaient, quand Rousseau, les littérateurs, y ont introduit la philanthropie, la poésie et autres blagues, pour la plus grande joie des catholiques, alliance naturelle du reste, puisque les réformateurs modernes, je peux le prouver, croient tous à la révélation. Mais si vous chantez des messes pour la Pologne, si à la place du dieu des dominicains, qui était un bourreau, vous prenez le dieu des romantiques, qui est un tapissier, si enfin vous n'avez pas de l'absolu une conception plus large que vos aïeux, la monarchie percera sous vos formes républicaines, et votre bonnet rouge ne sera jamais qu'une calotte sacerdotale. Seulement, le régime cellulaire aura remplacé la torture, l'outrage à la religion, le sacrilège, le concert européen, la Sainte Alliance, et dans ce bel ordre qu'on admire, fait de débris Louis XIVien, de ruines voltairiennes, avec du badigeon impérial par-dessus et des fragments de constitution anglaise, on verra les conseils municipaux tâchant de vexer le maire, les conseils généraux leurs préfets, les chambres le roi, la presse le pouvoir, l'administration tout le monde. Mais les bonnes âmes s'extasient sur le code civil, œuvre fabriquée, quoi qu'on dise, dans un esprit mesquin, tyrannique. Car le législateur, au lieu de faire son état, qui est de régulariser la coutume, a prétendu modeler la société comme un lycurgue. Pourquoi la loi gêne-t-elle le père de famille en matière de testament? Pourquoi entrave-t-elle la vente forcée des immeubles? Pourquoi punit-elle comme délit le vagabondage, lequel ne devrait pas être même une contravention? Et il y en a d'autres, je les connais. Aussi, je vais écrire un petit roman intitulé « Histoire de l'idée de justice », qui sera drôle. Mais j'ai une soif abominable, et toi? Il se pencha par la fenêtre et cria au portier d'aller chercher des grogues au cabaret. En résumé, je vois trois parties. Non, trois groupes. Et donc, un ne m'intéresse. Ceux qui ont, ceux qui n'ont plus, et ceux qui tâchent d'avoir. Mais tous s'accordent dans l'idolâtrie imbécile de l'autorité. Exemple. Mably recommande qu'on empêche les philosophes de publier leur doctrine. M. Vronsky, géomètre, appelle en son langage la censure répression critique de la spontanéité spéculative. Le père enfantin bénit les Habsbourg d'avoir passé par-dessus les Alpes une main pesante pour comprimer l'Italie. Pierre Leroux veut qu'on vous force à entendre un orateur, et Louis Blanc incline à une religion d'État, tant ce peuple de vassaux à la rage du gouvernement. Pas un, cependant, n'est légitime, malgré leur sempiternel principe. Mais principe signifiant origine, il faut se reporter toujours à une révolution, à un acte de violence, à un fait transitoire. Ainsi, le principe du nôtre est la souveraineté nationale, comprise dans la forme parlementaire, quoique le Parlement n'en convienne pas. Mais en quoi la souveraineté du peuple serait-elle plus sacrée que le droit divin? L'un et l'autre sont deux fictions, assez de métaphysique, plus de fantômes. Pas n'est besoin de dogmes pour faire balayer les rues. On dira que je renverse la société. Eh bien après, où serait le mal? Elle est propre, en effet, ta société. Frédéric aurait eu beaucoup de choses à lui répondre. Mais le voyant loin des théories de Sénécal, il était plein d'indulgence. Il se contenta d'objecter qu'un pareil système les ferait haïr généralement. Au contraire, comme nous aurons donné à chaque parti un gage de haine contre son voisin, tous compteront sur nous. Tu vas t'y mettre aussi, toi, et nous faire de la critique transcendante? Il fallait attaquer les idées reçues, l'académie, l'école normande, le conservatoire, la comédie française, tout ce qui ressemblait à une institution. C'est par là qu'ils donneraient un ensemble de doctrines à leur revue. Puis, quand elles seraient bien posées, le journal tout à coup deviendrait quotidien. Alors il s'en prendrait aux personnes. Et on nous respectera, sois-en sûr. Deslauriers touchait à son vieux rêve. Une rédaction en chef, c'est-à-dire au bonheur inexprimable de diriger les autres, de tailler en plein dans leurs articles, d'en commander et d'en refuser. Ses yeux pétillaient sous ses lunettes, il s'exaltait et buvait des petits verres, coup sur coup, machinalement. « Il faudra que tu donnes un dîner, une fois la semaine. C'est indispensable, quand même la moitié de ton revenu y passerait. On voudra y venir, ce sera un centre pour les autres, un levier pour toi. » Et maniant l'opinion par les deux bouts, littérature et politique, avant 6 mois, tu verras, nous tiendrons le haut du pavé dans Paris. Frédéric, en l'écoutant, éprouvait une sensation de rajeunissement, comme un homme qui, après un long séjour dans une chambre, est transporté au grand air. Cet enthousiasme le gagnait. Oui, j'étais un paresseux, un imbécile, tu as raison. À la bonne heure, s'écria Deslauriers, je retrouve mon Frédéric. Et lui mettant le poing sous la mâchoire, ah, tu me fais souffrir. N'importe, je t'aime tout de même. Ils étaient debout et se regardaient, attendris l'un et l'autre, et prêts de s'embrasser. Un bonnet de femme parut au seuil de l'antichambre. Qui t'amène ? Dit Deslauriers. C'était Mademoiselle Clémence, sa maîtresse. Elle répondit que, passant devant sa maison par hasard, elle n'avait pu résister au désir de le voir, et pour faire une petite collation ensemble, elle lui apportait des gâteaux qu'elle déposa sur la table. « Prends garde à mes papiers, » reprit aigrement l'avocat. « D'ailleurs, c'est la 3e fois que je te défends de venir pendant mes consultations. » Elle voulut l'embrasser. « Bien, va-t'en, file ton nœud. » Il la repoussait, elle eut un grand sanglot. « Ah, tu m'ennuies à la fin. C'est que je t'aime. Je ne demande pas qu'on m'aime, mais qu'on m'oblige. » Ce mot, si dur, arrêta les larmes de Clémence. Elle se planta devant la fenêtre et y restait immobile, le front posé contre le carreau. Son attitude et son mutisme agaçaient Deslauriers. Quand tu auras fini, tu commanderas ton carrosse, n'est-ce pas ? Elle se retourna en sursaut. Tu me renvoies ? Parfaitement. Elle fixa sur lui ses grands yeux bleus, pour une dernière prière sans doute, puis croisa les deux bouts de son tartan, attendit une minute encore, et s'en alla. Tu devrais la rappeler, dit Frédéric. Allons donc. Et comme il avait besoin de sortir, Deslauriers passa dans sa cuisine, qui était son cabinet de toilette. Il y avait sur la dalle, près d'une paire de bottes, les débris d'un maigre déjeuner et un matelas avec une couverture était roulé par terre dans un coin. « Ceci te démontre, dit-il, que je reçois peu de marquises. On s'en passe aisément en bas, et des autres aussi. Celles qui ne coûtent rien prennent votre temps. C'est de l'argent sous une autre forme. Or, je ne suis pas riche. Et puis elles sont toutes si bêtes, si bêtes. Est-ce que tu peux causer avec une femme, toi ?» Ils se séparèrent à l'angle du pont neuf. « Ainsi, c'est convenu. Tu m'apporteras la chose demain, dès que tu l'auras. »« Convenu, » dit Frédéric. Le lendemain, à son réveil, il reçut par la poste un bon de 15 000 francs sur la banque. Ce chiffon de papier lui représenta 15 gros sacs d'argent. Il se dit qu'avec une somme pareille, il pourrait d'abord garder sa voiture pendant 3 ans, au lieu de la vendre comme il y serait forcé prochainement, ou s'acheter de belles armures damasquinées qu'il avait vu sur le quai Voltaire, puis quantité de choses encore, des peintures, des livres, et combien de bouquets de fleurs, de cadeaux pour Madame Arnoux. Tout, enfin, aurait mieux valu que de risquer que de perdre tant d'argent dans ce journal. Deslauriers lui semblait présomptueux, son insensibilité de la veille le refroidissant à son endroit, et Frédéric s'abandonnait à ses regrets quand il fut tout surpris de voir entrer Arnoux, lequel s'assit sur le bord de sa couche, pesamment, comme un homme accablé. Qu'y a-t-il donc ? Je suis perdu. Il avait aversé, le jour même, en l'étude de Maître Beauminet, notaire rue Sainte-Anne, 18 000 francs prêtés par un certain Vanneroy. C'est un désastre inexplicable. Je lui ai donné une hypothèque qui devait le tranquilliser, pourtant, mais il me menace d'un commandement s'il n'est pas payé cet après-midi, tantôt. Et alors ? Alors, c'est bien simple. Il va faire exproprier mon immeuble. La première affiche me ruine, voilà tout. Ah, si je trouvais quelqu'un pour m'avancer cette maudite somme-là, il prendrait la place de Vanneroy et je serais sauvé. Vous ne l'auriez pas par hasard. Le mandat était resté sur la table de nuit, près d'un livre. Frédéric souleva le volume et le posa par-dessus en répondant « Mon Dieu, non, mon cher ami.

Arnoux, d'un ton fort dégagé, dit que ces recouvrements n'ayant pas eu lieu, il ne pouvait rendre actuellement les 15 000 francs. « Vous n'en avez pas besoin, j'imagine. » À ce moment, des lauriers accosta Frédéric et le tirant à l'écart. « Sois franc, les as-tu, oui ou non ?»« Eh bien non, » dit Frédéric, « je les ai perdus. »« Ah, et à quoi ? Au jeu ?» Deslauriers ne répondit pas un mot, salua très bas et partit. Arnoux avait profité de l'occasion pour allumer un cigare dans un débit de tabac. Il revint en demandant quel était ce jeune homme. « Rien, un ami. » Puis, 3 minutes après, devant la porte de Rosanette, « Montez donc, » dit Arnoux. « Elle sera contente de vous voir. Quel sauvage vous êtes maintenant !» Un réverbère en face l'éclairait, et avec son cigare entre ses dents blanches et son air heureux, il avait quelque chose d'intolérable. « Ah, à propos, mon notaire a été matin chez le vôtre pour cette inscription d'hypothèque. C'est ma femme qui me l'a rappelé. »« Une femme de tête, » reprit machinalement Frédéric. « Je crois bien. » Et Arnoux recommença son éloge. Elle n'avait pas sa pareille pour l'esprit, le cœur, l'économie. Il ajouta, d'une voix basse, en roulant des yeux, et comme corps de femme. « Adieu, » dit Frédéric. Arnoux fit un mouvement. « Tiens, pourquoi ?» Et la main à demi tendue vers lui, il l'examinait, tout décontenancé par la colère de son visage. Frédéric répliqua sèchement. « Adieu. » Il descendit la rue de Bréda comme une pierre qui déroule, furieux contre Arnoux, se faisant le serment de ne jamais plus le revoir, ni elle non plus, navré, désolé. Au lieu de la rupture qu'il attendait, voilà que l'autre, au contraire, se mettait à la chérir, et complètement, depuis le bout des cheveux jusqu'au fond de l'âme. La vulgarité de cet homme exaspérait Frédéric. Tout lui appartenait donc à celui-là. Il le retrouvait sur le seuil de la Lorette, et la mortification d'une rupture s'ajoutait à la rage de son impuissance. D'ailleurs, l'honnêteté d'Arnoux, offrant des garanties pour son argent, l'humiliait. Il aurait voulu l'étrangler, et par-dessus son chagrin planait, dans sa conscience, comme un brouillard, le sentiment de sa lâcheté envers son ami. Des larmes l'étouffaient. Des lauriers déballaient la rue des Martyrs en jurant tout haut d'indignation, car son projet, tel qu'un obélisque abattu, lui paraissait maintenant d'une hauteur extraordinaire. Il s'estimait volé, comme s'il avait subi un grand dommage. Son amitié pour Frédéric était morte, il en éprouvait de la joie. C'était une compensation. Une haine l'envahit contre les riches. Il pencha vers les opinions de Sénécal et se promettait de les servir. Arnoux, pendant ce temps-là, commodément assis dans une bergère, auprès du feu, humait sa tasse de thé en tenant la maréchale sur ses genoux. Frédéric ne retourna point chez eux, et pour se distraire de sa passion calamiteuse, adoptant le premier sujet qui se présenta, il résolut de composer une histoire de la Renaissance. Il entassa pêle-mêle sur la table les humanistes, les philosophes et les poètes. Il alla au cabinet des estampes, voir les gravures de Marc-Antoine. Il tâchait d'entendre Machiavel. Peu à peu, la sérénité du travail l'apaisa. En plongeant dans la personnalité des autres, il oublia la sienne, ce qui est la seule manière peut-être de n'en pas souffrir. Un jour qu'il prenait des notes, tranquillement, la porte s'ouvrit, et le domestique annonça Madame Arnoux. C'était bien elle. Seule, mais non, car elle tenait par la main le petit Eugène, suivi de sa bonne en tablier blanc. Elle s'assit, et quand elle eut toussé, « Il y a longtemps que vous n'êtes venu à la maison. » Frédéric, ne trouvant pas d'excuses, elle ajouta, « C'est une délicatesse de votre part. » Il reprit, « Quelle délicatesse ?»« Ce que vous avez fait pour Arnoux, » dit-elle. Frédéric eut un geste signifiant « Je m'en moque bien, c'était pour vous. » Elle envoya son enfant jouer avec la bonne dans le salon. Ils échangèrent 2 ou 3 mots sur leur santé, puis l'entretien tomba. Elle portait une robe de soie brune, de la couleur d'un vin d'Espagne, avec un paletot de velours noir bordé de martre. Cette fourrure donnait envie de passer les mains dessus, et ses longs bandeaux, bien lissés, attiraient les lèvres. Mais une émotion la troublait. Et tournant les yeux du côté de la porte. « Il fait un peu chaud ici. » Frédéric devina l'intention prudente de son regard. « Pardon, les 2 battants ne sont que poussés. »« Ah, c'est vrai. » Et elle sourit, comme pour dire, « Je ne crains rien. » Il lui demanda immédiatement ce qui l'amenait. « Mon mari, » reprit-elle avec effort, « m'a engagé à venir chez vous, n'osant faire cette démarche lui-même. » « Et pourquoi ?»«

Frédéric aborda enfin la question. Arnoux méritait de l'intérêt. Il allait même, dans le seul but de remplir ses engagements, vendre une maison à sa femme. « Elle passe pour très jolie, » dit Madame d'Ambreuse. Le banquier ajouta d'un air bonhomme. « Êtes-vous leur ami intime ?» Frédéric, sans répondre honnêtement, dit qu'il lui serait fort obligé de prendre en considération. « Eh bien, puisque cela vous fait plaisir, soit, on attendra. J'ai du temps encore. Si nous descendions dans mon bureau, voulez-vous ?» Le déjeuner était fini. Madame d'Ambreuse s'inclina légèrement, tout en souriant d'un rire singulier, plein à la fois de politesse et d'ironie. Frédéric n'eut pas le temps d'y réfléchir, car M. d'Ambreuse, dès qu'ils furent seuls, « Vous n'êtes pas venu chercher vos actions. » Et sans lui permettre de s'excuser, « Bien, bien, il est juste que vous connaissiez l'affaire un peu mieux. » Il lui offrit une cigarette et commença. L'Union générale des houilles françaises était constituée. On n'attendait plus que l'ordonnance. Le fait seul de la fusion, diminuant les frais de surveillance et de main-d'œuvre, augmentait les bénéfices. De plus, la société imaginait une chose nouvelle, qui était d'intéresser les ouvriers à son entreprise. Elle leur bâtirait des maisons, des logements salubres. Enfin, elle se constituait le fournisseur de ses employés, leur livrait tout à prix de revient. « Et ils gagneront, monsieur. Voilà du véritable progrès. C'est répondre victorieusement à certaines criailleries républicaines. Nous avons dans notre conseil, » il exhiba le prospectus, « un pair de France, un savant de l'Institut, un officier supérieur du génie en retraite, des noms connus. De pareils éléments rassurent les capitaux craintifs et appellent les capitaux intelligents. La compagnie aurait pour elle les commandes de l'État, puis les chemins de fer, la marine à vapeur, les établissements métallurgiques, le gaz, les cuisines bourgeoises. Ainsi, nous chauffons, nous éclairons, nous pénétrons jusqu'au foyer des plus humbles ménages. Mais comment, me direz-vous, pourrons-nous assurer la vente ? Grâce à des droits protecteurs, cher monsieur, et nous les obtiendrons. Cela nous regarde, moi du reste. Je suis franchement prohibitionniste, le pays avant tout. » On l'avait nommé directeur, mais le temps lui manquait pour s'occuper de certains détails, de la rédaction entre autres. Je suis un peu brouillé avec mes auteurs, j'ai oublié mon grec. J'aurais besoin de quelqu'un qui ait pu traduire mes idées. Et, tout à coup, « Voulez-vous être cet homme-là, avec le titre de secrétaire général ?» Frédéric ne sut que répondre. « Eh bien, qui vous empêche ?» Ses fonctions se borneraient à écrire, tous les ans, un rapport pour les actionnaires. Il se trouverait en relation quotidienne avec les hommes les plus considérables de Paris. Représentant la compagnie près des ouvriers, il s'en ferait adorer naturellement, ce qui lui permettrait, plus tard, de se pousser au conseil général, à la députation. Les oreilles de Frédéric tintaient. D'où provenait cette bienveillance ? Il se confondit en remerciements. « Mais il ne fallait point, » dit le banquier, « qu'il fût dépendant de personne. Le meilleur moyen, c'était de prendre des actions, placement superbe d'ailleurs, car votre capital garantit votre position, comme votre position votre capital. » « À combien environ doit-il se monter ?» dit Frédéric. « Mon Dieu, ce qui vous plaira, de 40 à 60 000 francs, je suppose. » Cette somme était si minime pour M. d'Ambreuse et son autorité si grande que le jeune homme se décida immédiatement à vendre une ferme. Il acceptait. M. d'Ambreuse fixerait un de ses jours un rendez-vous pour terminer leurs arrangements. « Ainsi, je puis dire à Jacques Arnoux, tout ce que vous voudrez, le pauvre garçon, tout ce que vous voudrez. » Frédéric écrivit aux Arnoux de se tranquilliser et fit porter la lettre par son domestique auquel on répondit « Très bien ». Sa démarche, cependant, méritait mieux. Il s'attendait à une visite, à une lettre, tout au moins. Il ne reçut pas de visite, aucune lettre n'arriva. Y avait-il oubli de leur part ou intention ? Puisque Madame Arnoux était venue une fois, qui l'empêchait de revenir ? L'espèce de sous-entendu, d'aveu qu'elle lui avait fait, n'était donc qu'une manœuvre exécutée par intérêt ? Se sont-ils joués de moi ? Est-elle complice ? Une sorte de pudeur, malgré son envie, l'empêchait de retourner chez eux. Un matin, 3 semaines après leur entrevue, M. d'Ambreuse lui écrivit qu'il l'attendait le jour même dans 1 heure. En route, l'idée des Arnoux l'assaillit de nouveau, et ne découvrant point de raison à leur conduite, il fut pris par une angoisse, un pressentiment funèbre. Pour s'en débarrasser, il appela un cabriolet et se fit conduire rue Paradis. Arnoux était en voyage.

Était-ce encore un tour de la maréchale? Mais on ne se moque pas deux fois du même homme à propos de rien. Épris de curiosité, il relut la lettre attentivement. Frédéric distingua. Malentendu, avoir fait fausse route, désillusion, pauvre enfant que nous sommes, Paris à deux fleuves qui se rejoignent, etc. Ce style contrastait avec le langage ordinaire de la Lorette. Quel changement était donc survenu? Il garda longtemps les feuilles entre ses doigts. Elle sentait l'iris. Il y avait, dans la forme des caractères et l'espacement irrégulier des lignes, comme un désordre de toilette qui le troubla. « Pourquoi n'irais-je pas ?» se dit-il enfin. « Mais si Madame Arnoux le savait ? Ah, qu'elle le sache, tant mieux, et qu'elle en soit jalouse, ça me vengera !»